sura faru ba ma kwabno manga ka yenin ku dan ba jamuntu nyana ka ba bin sura fana so abueni nye abueni sie abueni ndo abueni mori savayi asimo no moro mbo ba man sura faru ba gbe bin fuma su tu tu tu tu abere du mo mfa ete sura fana du ya mori bele I want baby le kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo. Ina fana niya. Yabanya ndom yeme. Anu abo. Fabanu sura fana ndoma. Bolo kabere zobe kajola. Anu yeme bere bani sura fana. Abu yeme bo. Sura fana babela. Wajemla kamo ni le ajoba mfa. Comme le bon qui est qui. C'est lui dans le monde, comme dans le temps, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans Je vais vous dire. I am sure I found a habit. I keep that you will be a young man. I was very bad. I didn't feel sure I found a gentleman. I'm not perfect. One who got this. You come out of our working city worker, you work on the rest. Then I will make a boy's home. That is my great overhead. You mean I should have found me for a bumper. Because you must be down and maybe I didn't get over down and you are. Je me vois pas que je me damine ni rien, je me fais mener du bien. Et ça me fait me faire un sur la femme, ben maintenant, je couille mon corps, ben nous, je me dis, ne me damine ça. Besaba, quoi, baba? Nous venons de tirer sur la femme. Nous venons de tirer sur la femme. Avec une année, nous devons donner. Mango non kuma ba ngabura na manda. Ya jo fede ba wonnem. Ba jo sura fal. E buri da ji bende. Tanga na jo buri tana ta tu jadi. Mama za ba mini ngaye da. Ya ya nan sanga ne. Kani dire bu du ne du bu du bu du bu du bu du bu du bu du bu du bu du bu. I don't know what I'm going to do.